Chez eux, tu es, tu es tout ce que je ne suis pas, tout ce que je voudrais être. Chez